Dans l'autobus. La gare d'Austerlitz, c'est combien? Vous n'avez pas un carnet? Un carnet? Non, je n'en ai pas. Voilà. Quatre tickets, ça fait 4 francs 40. Voulez-vous me dire où je dois descendre, s'il vous plaît?